Les Coréens offrent toujours les présents de siècle en siècle au président Kim Il-sung, fondateur de la Corée socialiste et soleil éternel Juche. Depuis que les habitants de Chilgol ont offert le 15 avril de l'an 2 du Juche 1913 le bol en laiton au président Kim Il-sung, né dans une chaumière à Mangyongdae comme le soleil de la Corée, en signe de leur détermination de le suivre comme grand homme à conduire le pays et la nation, les Coréens du Nord, du Sud et de la diaspora lui ont offert pendant plus d'un siècle plus de 660 000 présents.